Tourne la page, mets sois sage après partage. Le micmac c'est le traître. Pas du genre qu'on traite. Tu baisses la tête, on ne récolte que qu'on s'aime. Amen, amen, I'm the best. Sous la veste, tu une perds. Des terres se les faire, again. Pourquoi pas écoute ça, c'est tes gars qui posent. Une vie pas rose, rose. Une vie pas rose, rose. Ambition musique, j'ai du temps devant moi, donc ils sont derrière moi à faire les restats. Après l'encas, bon débarras, ça se fera les attraper. Même fucked up, je les aurai. L'impression d'être un bandit, de tout dévaliser. Mais c'est juste en train de rivaliser. J'ai sauvé ma peau, je pars en impro. À chaud, numéro des crocs, sac à dos. Keshua, Keshua, Keshua, jusqu'à la liberté. Certains passent comme ça, me faire entrer des sous, mais moi m'en perds. Le dealer court quand la police arrive. Amène les mecs de ton secteur. Pas de cœur, je n'ai pas de cœur. De la douleur et des pleurs. Au menu, de la douleur et des pleurs. De la douleur et des pleurs, des pleurs. Bandana casquette, révisté hobby. On s'en ira au paradis. Sans nos ennemis, sans nos ennemis. Auto la bac et encore passé. Propre négocié, j'suis sur un tum-tum. Comme un bonhomme. Slalom, slalom, trouve un homme qui pigeonne, on qui donne. Sermon, ma réalité. Baisse tes qualités, t'es dans ton route. En train de critiquer. On fait nos bails calibrés pour pas attraper d'infection. Toujours la même chanson. Il faut du son, pour l'instant j'fais ma boisson. Fort fort en provocation. J'ai révisé ma table d'exécution. Chantons ou pas, tu seras seul à ce jeu là. Bon débarras et que j'me barre, barre, barre, barre. C'est l'histoire à toutes les bouches que tu dégoûtes de ce monde de fou. Avec et sans dessous on joue, mais seule la victoire est partout. Rafou, quand ça cavale te fais pas arracher ton numérique. Ma haine est symbolique, retransmise par satellite. Tu piges, on fait du bif. C'est nos thunes qui nous sublimisent. Jamais rester les bras croisés. Faut oser se bouger, se motiver. Pour pas avoir à rester assis. En taille sur ton châssis. On dit incompris dans cette triste vie. La jalousie. Autant la bague est encore passée. Pas bon négocier. J'suis sur un tam-tam. Comme un bonhomme. Slalom, slalom. Trouve un homme qui pigeonne. On qui donne. Mais tes qualités, t'es dans ton route en train de critiquer. On fait nos bails calibrés pour pas attraper d'infection. Oh, oh, yeah. Fais la resta, allez arrête-toi. On fait nos bails, on fait nos bails. Les voleurs courent quand la police arrive. Les dealers courent quand la police arrive. Tu fais la resta, allez arrête-toi. On fait nos bails, on fait nos bails. Les voleurs courent quand la police arrive. Le dealer court quand la police arrive. Police arrive, police arrive. Tout le monde court quand la police arrive.